Adrien Bouquet, qu'est-ce que vous avez retenu de cet entretien exclusif avec le fondateur du groupe Wagner, vous qui êtes du côté de la Russie, tout d'abord dans le Donbass, et actuellement vous êtes du côté de Moscou. Qu'avez-vous retenu? Du moins, ce sont des choses que vous saviez déjà, mais il fallait aussi que cela vienne de la voie autorisée, des personnes incriminées, notamment de Wagner, Adrien Bouquet. Okay. Bien sûr, tout à fait. Donc moi, j'ai rejoint donc Moscou aujourd'hui hein, pour les festivités qui vont commencer d'ailleurs dans quelques heures. Vous devez le voir, hein, je porte le t-shirt de Wagner pour plusieurs raisons, car non seulement ce soir, c'est le thème de votre enquête exclusive sur Wagner, premièrement. Deuxièmement, je tiens également à préciser que moi, je me trouve habituellement donc dans le Donbass, du côté de Soledar, avec justement les soldats sur le terrain de Wagner. Donc, c'est aussi pour leur rendre hommage par rapport à cette journée du 9 mai demain, parce que le 9 mai, on célèbre bien sûr donc cette journée des anciens combattants. Mais aussi des soldats actuellement sur le front. Donc c'est aussi un clin d'œil pour les soldats qui sont en train de se battre actuellement. Et bien sûr, pour vous montrer également que si je porte ce t-shirt-là, évidemment que pour moi, Wagner n'est absolument pas un groupement terroriste. Je le dis et je l'assume totalement. Sinon, je ne porterai absolument pas ce t-shirt. Je rappelle, moi je côtoie les soldats de Wagner depuis plus de 10 mois sur la ligne de front, donc je sais qui sont ces soldats, qui sont ces combattants de Wagner. Ce ne sont pas des terroristes, ce ne sont pas des violeurs d'enfants, ce ne sont pas des brûleurs de prisonniers. Voilà, je tiens à le préciser, moi ça fait 10 mois que je côtoie ces soldats de Wagner, donc je n'ai aucun problème apporter ce t-shirt aujourd'hui, je le rappelle, pour deux raisons, parce que demain et dans quelques heures, c'est le 9 mai, donc la célébration est une très grande journée ici en Russie des anciens combattants, principalement de la guerre 39-45 de Russie, mais aussi on célèbre tous les morts de cette nouvelle guerre ou des nouvelles guerres qui ont pu avoir lieu, que ce soit en Syrie, en Afghanistan, en Afrique, en Ukraine, etc., etc. Et la deuxième petite précision, vous avez ici un symbole qui est très très important. Alors excusez-moi, je vais essayer, voilà, pour bien voir. Donc c'est le ruban, ce qu'on appelle à trois barres noires, qui est un ruban qui est extrêmement important pour la Russie. Je vais préciser pour les téléspectateurs, c'est un ruban donc qui représente les anciens combattants et les vétérans. Les vétérans confondus principalement de la guerre 39-45, mais également des nouvelles guerres. Donc ce ruban est extrêmement important. Généralement, il est porté donc sur la chemise ou sur le t-shirt du côté gauche, légèrement en croix, ou vous pouvez le porter comme moi au niveau d'un bracelet, bien sûr, parce qu'il y a des célébrations demain. Voilà pour les petites précisions pour les célébrations pour demain. Concernant donc cette entrevue de Wagner hein, qui a eu lieu, c'est extrêmement rare, je tiens bien à préciser. De mémoire, je n'ai jamais vu un entretien chez Wagner aussi long et aussi précis. Donc Afrique Média a vraiment eu une énorme exclusivité. Je vais vous parler en connaissance de cause, que ça soit une chaîne russe, que ça soit RT, Canal One, NTV, toutes les grosses chaînes russes. De mémoire, je ne pense pas que eux ont réussi à avoir une interview aussi longue du chef de Wagner. Je tiens vraiment à le préciser, parce que c'est extrêmement rare que le chef de Wagner réponde aussi longuement à des questions, aussi précisément à des questions, et en plus sans être pressé, avec une décontraction certaine au niveau des questions. Donc ça, ça a le mérite, je pense, de le souligner. Et je pense qu'effectivement, nous avons eu aussi énormément de précisions sur la position de Wagner, que ce soit au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Ukraine, de qui ils sont, ce qu'ils font. Il le précise à plusieurs reprises qu'il ne se considère pas comme un groupement mercenaire, mais comme une nouvelle armée indépendante. Je pense qu'il faut retenir absolument ces paroles qui veulent dire énormément de choses. Donc pour Wagner, ce n'est pas un groupement mercenaire, mais donc un nouveau groupe militaire indépendant. Je reprends les mots du chef de Wagner. Je pense que ces propos vont être repris, vous le verrez, dans les jours à venir. Moi qui suis énormément le chef de Wagner, je l'ai très rarement entendu dire aussi précisément ces précisions au niveau de Wagner. Donc je pense que c'est très très intéressant. Et après, il a su nous développer ses positions par rapport à l'Afrique, ce qui était extrêmement important, par rapport à ses relations avec les présidents de Centrafrique, de pays africains, qui était d'ailleurs très intéressant. Il nous explique comment s'est déroulée, entre guillemets, l'arrivée de Wagner en Afrique, comment ils sont arrivés en Afrique, comment ils ont débuté leurs premières opérations et surtout comment ils ont réussi où l'Occident a échoué, c'est-à-dire chasser le terrorisme, on va le dire clairement, principalement au Mali. Comment eux, ils ont réussi alors que les Occidents ont échoué, on va se le dire clairement. Lui nous explique visiblement, en grande partie par rapport, on va se le dire également, je vais parler crûment, par rapport au pillage qui aurait eu par rapport aux richesses de ces pays. Visiblement, les pays qui sont venus militairement précédemment aider ces pays africains, visiblement étaient beaucoup plus intéressés par les richesses de ces pays que réellement les défendre militairement et surtout les aider au niveau du terrorisme. Et visiblement, Wagner a réussi à venir faire la différence, mais surtout prouver leur différence et surtout prouver qu'ils n'étaient pas là pour les richesses des pays africains, mais réellement pour faire, on va dire, mettre un point d'arrêt au terrorisme et surtout aider les pays qu'ils ont besoin contre ce terrorisme. Je pense que Wagner a assez prouvé sur le terrain en Afrique leur efficacité contre le terrorisme. Ils continuent et je pense qu'ils vont continuer. Il y a une question très importante sur le futur et le directeur de Wagner a effectivement souligné que l'Afrique était le futur de Wagner. Donc je pense que cette information est aussi très importante. Je félicite encore une fois Afrique Média et mes collègues qui sont allés à la rencontre du chef de Wagner, parce que ce n'est pas toujours facile de rencontrer un chef, on va dire, comme on dit, aussi grand. Un chef avec qui on parle autant au niveau international. Donc encore une fois, bravo Afrique Média, bravo à mes collègues. Et pour moi, c'est une réussite parce qu'on a appris énormément de choses et vous verrez, d'ici quelques jours, Afrique Média va encore faire parler d'eux. Du côté de la Russie. Afrique Média, le monde. C'est nous.